une crème tendre et doux. Je suis une crème, mais une crème qui n'ose pas baiser. Une crème qui ose à peine bander. Une crème timide, frustrée, gênée. Et j'attends l'été pour me faire sucer dans les vestiaires pour handicapés. Et j'attends l'été pour me faire sucer dans les vestiaires. Quel pied, même dans le lit, amant, dormir à côté de la plus belle femme du monde qui dort sur moi, qui prend mes bras. J'arrive à avoir trop peur. Je suis nul, nul, nul, un gros nul. Et j'attends l'été pour me faire sucer dans les vestiaires pour handicapés. Et j'attends l'été pour me faire sucer dans les vestiaires. Quel pied. Et j'attends l'été pour me faire sucer dans les vestiaires pour handicapés. Et j'attends l'été pour me faire sucer dans les vestiaires. Quel pied. Avec les filles, je suis une crème, mais une crème timide, une crème gênée, une crème qui a peur de baiser, une crème sans aucun intérêt, une crème frigide et frustré. Au fond, je suis une crème glacée.